tant qu'un de ces soirs au stud. À écrire un peu en stu, passion et gestuelle, calibré textuellement. Dis-moi qui testes-tu, à croire les MC, ils ont tous la rime assassine. Pourtant les mots ça tue personne, du gangsta rap pour être crédible. J'pourrais dire que j'ai un gun, non. Geste bouche à oreille pour seul promo, un mieux pour être crédit. T'inquiète, peu à peu le bis secret. J'veux pas être de ceux qu'on discrédite. Non. J'me demande pourquoi j'me casse les couilles. On joue des coudes pour avoir notre appât à l'écoute. J'suis au devant de la scène, mais ça marche pas si derrière y'a pas les couzes. J'reste vrai, j'joue pas la pute pour faire les couves. Les rappeurs sont fascinés par le pèse. Les fausses multiplient comme mes 16. Sexe, drogue et genre. Dis-moi, c'est ça le dièse. Putain, où est passé le rap que j'aime? La vie ça tient à rien, une carrière aussi, oublie le que j'ai. C'est tout ce que j'sais, c'est zig, c'est tout ce que j'ai. Quitte ça, une renaissance. L'ami, ton ciel tu vas redescendre. Tu captes, la tête esprit vandale de pack de 16, mesure L2, sortie du Val 2. Pour les tiens, pour les miens, on donne sa vraie aujourd'hui, se joue demain. J'crois que tu captes, la tête esprit vandale de pack de 16, mesure L2, sortie du Val 2. Les flashs. On laisse parler les flammes, 974 CI, tu connais le flag. Enlève le 9-4, tu rappes, il perd ses couilles. Esprit vandale, j'plaide coupable, ok c'est cool. Si je mérite pas de cry qu'il mérite. La vérité, j'ai changé personne, toi kiff mes rimes. Dans le rap, tout le monde il est ouf, tout le monde il est méchant, tout le monde il braque, tout le monde il pense qu'à charger les gens grands. Un que de la caille, qu'est-ce tu croyais? Je trompe la solitude à la sueur du poignet. J'bat pas avec la rime car c'est mon gagne-pain. J'te laisse le son pour les clubs, vas-y joue les mannequins. Mais comme moi, y'en a qu'un. Ma couille, j'te l'ai dit, là au braco rime avec Facom et Golden Lady. Les sourires ravageurs, ils pensent comme paradis d'ici. Baiser les MC, j'ai le pénis voyageur. Et qui est kid, dealer c'est un crevard. La putain d'MC, le meilleur de Val. Quand tu captes, la tête, esprit vandale de pack de 16, mesure L2, sortie du Val 2. Pour les tiens, pour les miens, on donne sa vraie aujourd'hui, se joue demain. J'crois que tu captes, la tête, esprit vandale de pack de 16, mesure L2, sortie du Val 2. Loin des flashs, on laisse parler les flammes. 974 CI, tu connais le flag.